Bonjour. Au niveau de la communication, par rapport à ce qui est visible, il y a une différence entre la communication au sens psychologique puis la communication au sens qu'on pourrait appeler un rayonnement d'une conscience par rapport à la parole. C'est plus qu'un exercice jusqu'à un certain point parce que c'est une manifestation. C'est pour ça le contact, vous pouvez pas simuler ça, là. Pourquoi? Parce que la conscience est liée, entre autres, au principe de l'esprit. Même si psychologiquement, des fois, on peut pas dire qu'il y a un contact psychologiquement avec l'esprit, ça va tout le temps venir de par en haut, ça descend. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des formes de même? Le problème, c'est que le monde le spiritualise. L'affaire, c'est que l'intellect, il procède, puis que la conscience, l'esprit, ça, c'est instantané. Parce que là, on pourrait parler de des affaires qui sont en interrelation, puis ça engendre des dynamismes, puis tout. Au niveau là, de la communication, c'est certain par rapport au rayonnement d'une conscience, que c'est pas psychologique. Par rapport à la parole, c'est instantané, c'est visible, ça se voit, vous pouvez pas simuler le contact. Là, je me répète, pourquoi? Parce que je pense pas. Parce que je réfléchis pas. Comprenez? Parce que je regardais quelque chose de fixement. C'est certain, si on parle quelque chose comme le libre arbitre, si vous le regardez d'une façon polarisée à travers le psychologique, au niveau de parce qu'il y a l'expérimental, si vous le psychologisez, là, ça devient dans le polarisé. L'affaire du choix. Mais une décision, c'est pas nécessairement lié à un choix. Parce qu'il y a une volonté. C'est lié à une volition. Ça, c'est dans l'instantané. L'instantanéité. Comme l'intellect procède, lui, il temporalise. Il temporalise, puis ça finit que c'est là que vous devenez subjectif. Que quelqu'un de psychologique, d'intellectuel, il va avoir un discours. Comprenez? Quelqu'un qui ne l'est pas, il va avoir la parole, il va avoir une capacité de parole. D'un état normal, il va être capable d'avoir un discours, mais il va, pour socialiser, si vous voulez. On a besoin aussi d'être capable d'être normal pour socialiser. Il faut être capable de tenir un discours, être psychologique aussi. Mais quelqu'un qui n'a pas le contact, si vous voulez, ou qui n'a pas la capacité, la volition, la capacité d'être dessous ou pas, ça apparaît. Ça se voit. C'est peut-être là le problème. Parce que si on devient honnête, puis tout, puis que vous restez dans le psychologique, intellectuel, puis là, il y a des blessures narcissiques parce qu'il va y avoir un retour qui n'est pas le fun, hein. À un moment donné, là, il va falloir être honnête. Moi, je suis pas pour. Je veux dire, j'ai eu une phase dans ma vie où, ok, il faut que je protège mon entourage, puis je veux pas faire de vagues, puis. Mais là, on est rendu à un point que va falloir être bien honnête, hein. Bye!